En Corée, des sériculteurs exemplaires ont fait la tournée à Pyongyang. Arrivés à Pyongyang le 30 novembre, ils ont rendu hommage au président Kim Il-sung et au dirigeant Kim Jong-il au Palais du Soleil de Gumsusan, visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le musée de la guerre de libération de la patrie, le palais des sciences et techniques, l'exposition des trois révolutions. Ils ont vu l'opéra révolutionnaire « Je vois déjà la victoire de la révolution » et la pièce de théâtre « Les lions de sang » et se sont amusés au parc aquatique de Munsu, au musée de la nature, aux zoos centrales et ailleurs. Ils ont quitté la capitale Pyongyang le 5 décembre.